cours numéro 38. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تقدم معنا في الدرس الأخير أبوابا في الشرك في الألفاظ أي في التعبيد لغير الله عز وجل فالمؤلف إلى سيتي حديث ابن عباس رضي الله عنه إلى ضعيف وفيه سمياه عبد الحارث والباب سويفان أن المشركين من إلحادهم في أسماء الله عز وجل أنهم كانوا يشبهون هذه أو أسماء آلهتهم بأسماء الله عز وجل فسموا اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان وهكذا. Tout ce qu'on a vu ensemble, c'était des chapitres très simples. ولله الحمد. قال المؤلف رحمه الله باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام الحديث في الصحيحين قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان السلام على الشخص معناه طلب السلام من الشرور والآفات امتنع أن يقال السلام على الله السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى كما في الحديث فإن الله هو السلام ومعنى هذا الاسم أن الله عز وجل هو كما سيأتي من كلام الشيخ الفوزان الغني السالم من كل نقص وعيب وآفة Si tu as compris هذا فلا يجوز de dire السلام على الله لماذا لأن السلام c'est celui qui n'a pas d'imperfection عز وجل سالم من كل عيب ونقص وآفة il n'est pas touché par les imperfections par les faiblesses par les manques أبدا c'est le غني عز وجل il possède tout Il est parfait, subhanah. Enfin, le fait de dire Assalamu ala Allah, il y a un axe min hada al-wajh. Qala Cheikh al-Fawzan, li'annahu huwa al-ghani as-salim min kulli afa wa naqs. Fa huwa yud'a wa la yud'a la. Ay, on doit demander Assalam min Allah. Limadha li'anna Allah c'est salam. C'est lui qui peut nous préserver. C'est lui qui peut, Azza wa Jal, nous guider pour qu'on s'améliore. Qu'on délaisse tel manquement. Allah subhanahu wa ta'ala yud'a. On doit l'invoquer, laquelle on ne fait pas d'invocation pour Allah. Le fait de dire assalamu ala Allah, c'est comme si on faisait une invocation pour Allah. Allah c'est le ghani. Il n'a pas besoin d'invocation de ses ibad. Il est parfait. Celui qui fait des invocations, c'est celui qui a besoin de quelque chose. C'est pour ça que al-abd al-da'if, il doit invoquer Allah, demander Allah subhanahu et fi al-insan min al-kamal et fi al-iman wal-ihsan et le muslim il doit demander et c'est une bonne caractéristique chez l'être humain de demander à Allah subhanahu wa ta'ala amma al-khaliq subhanahu on n'a pas besoin de faire dua pour lui abadan fa yud'a azza wa jal wa la yud'a lah Et on doit l'invoquer, laquelle on ne doit pas invoquer pour lui. Faire des dua pour Allah subhanahu wa ta'ala. Abadan. Famin hadha al-bab, qawla as-salamu ala Allah. Hakama fil hadith, hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qala kunna idha kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam fi s-salat. Qulna as-salamu ala Allah. Min ibadihi. Et kanu yakulun hadha, liannahum y savait pas. Fal nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré annahu, c'est pas permis. Qala, لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام c'est pour ça que في التشهد المشروع c'est de dire السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم الشهادة إلى آخره. أما dire السلام على الله فلا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré أنه c'était pas permis. Et pourquoi? لأن الله هو السلام. On n'a pas besoin de dire السلام على الله. Ils traduisent par la paix. Que la paix soit sur Allah. On n'a pas besoin de هذا. لأن الله il est parfait. Il a besoin de personne. Il a aucune imperfection. Rien ne peut lui nuire, lui faire du mal. عز وجل أبدا. Enfin, le fait de dire السلام, tu dois le dire à la bachar. C'est pour ça que c'est mashrou entre nous de dire assalamu alaykum. Et ça nous montre le sens de ce salam. Et quand tu dis assalamu alaykum ou assalamu alayk, c'est un dua azim pour ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il le préserve. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala assalam pour ce abd. Qu'Allah il le préserve du mal ila akhir. Qala Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, hadha al-bab fihi wujub. قال فيه وجوب تنزيه الله عن الحاجة والنقص ووصفه بالغنى والكمال. نعم. فالله سبحانه وتعالى il est parfait في ذاته في أسمائه في صفاته عز وجل. Donc التنزيه, on n'a pas le droit de citer une chose et cette chose elle démontre un نقص, une imperfection, un manquement. Même si c'est avec une bonne niya, voilà, il y a juste. On doit s'écarter de هذا. Enfin, le fait de dire assalamu ala Allah, fala yajouz. On dit assalamu ala al-makhlouq. Et on a des ad'iyah, on a cité des exemples fi tashahud et assalam kadhalik. At-tahiyya, c'est min hadha al-bab. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب لا يقال السلام على الله وقد بين صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بقوله فإن الله هو السلام. النبي صلى الله عليه وسلم il a interdit هذا et il a montré pourquoi. L'interdiction, la taqulu assalamu ala Allah. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré pourquoi. Fa inna Allah huwa assalam. Qala al-shaykh rahimahullah, fa huwa ta'ala assalam. Assalim min kulli aib wa naqs. Ça c'est min ma'ani ism assalam. Assalimu min kulli aibin wa naqs. Allah, il n'a aucune imperfection, aucun manquement. وَعَنْ مُمَاثَلَةِ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ لَهُ لِأَنَّ النَّقْصُ وَالضَّعْفِ لِفِي الْمَخْلُوقِ. C'est pour ça qu'on fait ce dua pour le makhlouq. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala السلام لنا ولجميع المسلمين. Et maintenant, on a des faiblesses, on a des manquements, il a akhiré. Et celui qui préserve, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا? لأنه c'est السلام, c'est الغني, c'est العزيز, عز وجل. قال وهو المسلم لعباده من الآفات والبليات. المسلم لعباده أي celui qui préserve عز وجل العباد من الآفات والبليات أي des mauvaises choses. قال فالعباد لن يبلغوا ضره فيضروه ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. لماذا؟ لأنه c'est الغني, c'est الحي, c'est القيوم سبحانه. Il a besoin de personne. Aucun être humain, aucune créature, personne ne peut faire un mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou être utile, lui donner quelque chose subhanahu wa ta'ala. Il possède tout, tout ce qui se passe, c'est bi-idhnillah azza wa jal, fallah azza wa jal n'a besoin de personne. Qala bal humul fuqara'u ilayh, al muhtajoun ilayh vi jami'a ahwalihim wa huwa al ghaniyu al hamid. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هكذا يقول سبحانه. C'est الغني et c'est الحميد. Il a besoin de personne. Et المخلوق العبد celui الضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Ça montre un al-abd, il est raïf. C'est pour ça que c'est un abd. C'est pour ça qu'il doit adorer al-ghani. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui possède cette tout. Il doit demander à Allah. Il doit placer sa confiance en Allah. Wa min hadha al-bab, tu comprends pourquoi c'est interdit d'avoir de l'orgueil. Lian al-insan il est raïf. Et le mutakabbir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min sifatihi al-kibriya subhanahu. L'orgueil. Amma al-abd, pourquoi avoir de l'orgueil? On est des du'afa, on a besoin. d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, qui nous donne, que là qu'on ne possède rien, enfin, l'imad à l'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le mutakabbir, l'imad à l'annahu il possède tout. L'annahu c'est le rani, l'annahu il a besoin de personne. Al-kibriya, al-kibra fi haqqih, c'est min sifat al-kamal. C'est un attribut parfait, l'orgueil pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fi l'abd c'est du naqs. L'imad à l'annahu l'insan il raif. S'enorgueillir pourquoi? Alors que l'insan il possède rien. فهذا الباب سافي كذلك الألفاظ ne pas dire السلام على الله لماذا لأنه سنقص في التوحيد كذلك هذا الحديث تستفيد منه أن إذا جانب الصواب أحد من إخوانك النصيحة والتذكير لأن هذا قد يحصل إنسان أو إلى نوفو في fait l'istiqama, peut-être qu'il vient de se convertir, il avait l'habitude de dire certaines choses. Là, chacun a, au départ, khassa, beaucoup de paroles, elles ne sont pas sawab. Ou l'insan ma yidri, lakin, fi hada al-hal, ne pas se taire, montrer. Lakin, billati hiya ahsan. Khassa, tanida ta'awad ala dhalik, fa as-sabr ali. Peut-être que tu vas lui dire une fois, il va répéter une deuxième fois un autre jour, l'annahu, il s'est habitué. Fa billati hiya ahsan, on lui rappelle, hatta, inshallah. يترك هذا الأخ سلفظ كي با مشروع أو كي حرام قال رحمه الله باب قوله اللهم اغفر لي إن شئت toujours dans ces أبواب أن المؤلف رحمه الله démontre des alfaz des paroles des propos qui sont prononcés et في الحقيقة فيها نقص et فيها خلل c'est des alfad qui sont pas légiférés ومن هذه الالفاظ le fait de faire الدعاء دعلق هذا الدعاء بالمشيئة مثلا demander une chose et dire inshallah ou inshit ya Allah donne-moi telle chose si tu veux inshit هذا c'est pas autorisé في دين الله لماذا قال العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما قال لما كان قول اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب ففيه شيء من هذا أي celui qui dit يا الله donne-moi هذا si tu veux فكأنه il veut pas vraiment cette chose لأنه il dit si tu veux mais celui qui veut vraiment la chose لا يقول إن شئت أو أبخي الدعاء يدي إن شاء الله لا بل في الدعاء on doit être sûr et on doit demander بجد وسيأتي الدليل على هذا قال والاستغناء عن الله من ناحية ويشعر بأن الله تعالى قد يضطره شيء إلى فعل ما يفعل وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد لذلك ناسب عقد هذا الباب في كتاب التوحيد vous avez compris أن هذا اللفظ فيه ما فيه et on va lire كلام الشيخ ابن عثيمين avec des exemples ça va être plus clair قبل ذلك نقرأ للدليل قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة إن كسرة تحت الميم لماذا؟ pourquoi إن كسرة تحت الميم؟ وتقدم معنا أن الخفض أو الجر dans notre درس في شرح الأجرومية le samedi تقدم معنا أن الخفض أو الجر سمين خصائص الأسماء تفضل قلنا في ميم السكون ولكن بعد لماذا السكون أين السكون ليعظم اللم هو في ومن النواء من الجوازم فإلى مجزوم donc il y a un soukoun تمام. لكن بعد الاسم بعدها بعدها المسألة ففي هذا هل يثني سكون؟ الألف ساكن. Donc tu as الميم ينسكون وكذلك sur le ألف ينسكون. فماذا؟ لا يجوز لا ينبغي هذه ولهذا في ميم في اللغة العربية التقاء الساكنين ممنوع. Dans la langue arabe, tu peux pas avoir deux سكون à la suite. لا. فسي on a un سكون dans un فعل مثل هنا. ثم le mot d'après كذلك la première lettre c'est un سكون. فle premier سكون il est changé en كسرة. ليعزم المسألة. On a cité أحيانا هذا لكن pas avec الفعل المجزوم إلى آخره. قال فإن الله لا مكره له. الحديث اللي في الصحيحين. Ça nous montre أن كثيرا quand le مؤلف رحمه الله يدي وفي الصحيح ça veut pas dire que c'est que dans صحيح البخاري أو صحيح مسلم. Vous avez remarqué, il a pas dit وفي الصحيحين. مع أن الحديث اللي في الصحيحين. قال ولمسلم وليعظم الرغبة. C'est la même chose. وليعظم يعني كسرة تحت الميم. فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله المحظور في هذه المسألة من وجوه ثلاثة. أي pourquoi on n'a pas le droit de faire un dua et de citer ou de علق هذا الدعاء بالمشيئة. أي de faire un dua مثلا يا رب donne-moi telle chose إن شئت. فلماذا؟ لأن هنا un دليل, le دليل est clair. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré la cause. قال فإن الله لا مكره له. Et dans le deuxième hadith فإن الله لا يتعظمه شيء أعطى. شيخ ابن عثيمين va expliquer هذا الكلام en trois points. الأول قال أنه يشعر بأن الله له مكره على شيء. أي c'est comme si quand tu entends هذا يا رب donne-moi telle chose si tu veux كأن il y a une chose qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de te donner cette chose. C'est pour ça quand tu dis si tu veux. Et هذا لا ينبغي. Allah il est capable de tout. قال شيخ ابن عثيمين كأن يقال أو كأن يقول الداعي أنا لا أكرهك إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر. C'est comme, et في الحقيقة ceux qui disent هذا ils n'ont pas cette niya. لكن le problème il est في اللفظ. C'est pour ça que ça nous montre que même si l'intention elle est bonne, quand le lafz c'est le fait de prononcer cette chose, ce mot, cette phrase, c'est en contradiction avec les textes, on doit conseiller, on doit arrêter de dire cela. Mais البعض à cause de leur ignorance يقولون لكن j'ai une bonne intention. Voilà. Heureusement que tu as une bonne intention. Celui qui a une mauvaise intention et yaqsud hada, c'est très très grave. S'il pense que quelqu'un ou quelque chose peut empêcher Allah Azza wa Jal, c'est grave. Là, chacun a où il n'a pas cette intention. Lakin, on s'écarte les mains là, les anna. Wahed, il peut comprendre hada. Cheikh Ibn Uthaymeen, la Sayyidina Amit al-Tayyib, qala. Wahed, il peut, ka'annahu yaqul, celui qui fait du'a, ana la ukrihuk. Ayya Allah, je te force pas. Si tu veux, pardonne-moi. Si tu veux, pas, ne me pardonne pas. Normalement, là, on doit faire dua. Allahumma ghfirli. Et on est sûr en Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous répondre. Ça, c'est le premier cas. الثاني, أن قول القائل إن شئت كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله فقد لا يشاءه لكونه عظيم عنده. C'est comme si cette chose, tellement que c'est énorme, peut-être que Allah il va pas vouloir. Donc, yaqul ya rab, pardonne-moi in shi'at. Et peut-être que Allah il voudra pas, c'est pour ça il dit si tu veux. Wa hada la yanbaghi. La shak anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui nous a ordonné de lui demander. Et c'est lui qui nous a annoncé la bonne nouvelle annahu il répond à ceux qui lui demandent. Azza wa jalla. Qala li kawnihi 'azim 'inda عظيما عنده ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس والمثال للصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة. Il va citer un exemple pour te rapprocher le mas'ala. C'est pas une comparaison avec Allah subhanahu wa ta'ala, abadan, kama nabaha shaykh ibn Uthaymeen. Lakin, c'est un exemple pour te montrer cette situation, hatta, tu comprends. Qala, si tu dis mas'ala à une personne, à un shakhs, i'atini million riyal in shi'ta, donne-moi 1 million si tu veux. Pourquoi tu as rajouté si tu veux? Anna ce bachar, peut-être que 1 million c'est énorme pour lui. Peut-être qu'il y a shay min al haraj. Peut-être que ça va le gêner. Là, je sais que c'est une très grosse somme. Anta, tu rajoutes inshit. Et si tu veux, pour pas le mettre dans l'embarras. Et tu lui laisses le choix. S'il peut, il te les prête. S'il peut pas, c'est trop. Enfin, tu t'as laissé une porte ouverte. Avec un bachar. Avec un va'if, Allah subhanahu wa ta'ala demande ce que tu veux. Tant que c'est mashrou', tant que c'est pas haram, tant qu'il n'y a pas i'tida fi du'a. Al-i'tida fi du'a, c'est demander une chose la taliq. Mathalan, wahed, iyadan billah, il demande à Allah, Ya Rab, fais de moi un prophète. Al-i'tida, on fi du'a, là, il joue. Allah, il est capable de tout. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété, il a décidé, le dernier des prophètes, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a une hikma azima. Pour que tout le monde le suive, il a akhiré. Enfin, le wahid, il demande un Ya Rab, fais de moi un prophète, fais de moi un malek. Donc, tant que ce n'est pas haram, tant qu'il n'y a pas du i'tida, demande à Allah subhanahu wa ta'ala bi'azimatin qawiyya. Et ne rajoute pas insha'Allah ou insha'it, comme il dit les musulmans, à cause de l'ignorance. Donc, hadha al-mithal, il est tayyib, il te rapproche. المسألة قال الثالث troisième cause أنه يشعر بأن الطالب مستغني عن الله كأن يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني. صحيح quand tu entends هذا كأن هذا الإنسان il peut se passer de cette chose. Ya Rab, donne-moi cette chose si tu veux. Et si tu veux pas, فأنا je peux me passer de cette chose. كأنه يقول هذا. Et on répète ces exemples qu'il a cités sur Ibn Uthaymeen, là, chacun de ceux qui font ce dua et disent une shit, ils pensent pas à hada. Lakin, ça implique hada, ou tu peux comprendre hada. Allez, hada, l'insan, il s'écarte de ses alphas. Ça nous montre. Certaines paroles, certaines phrases, certaines tournures de phrases, elles sont pas correctes. Allez, hada, si on te conseille, on te montre dalil, on te cite kalam ahl al-ilm, délaisse. Même si tu as une bonne intention. Il y en a combien d'égarements? La base, c'est des phrases mujmala, qui ne sont pas claires, qui renferment quelque chose de mauvais. Même si l'insan, il avait la bonne intention. Khassatan fi bab al-ilm, bab al-aqidah, al-tawhid. On doit employer les mots qui sont cités fi le Coran ou qui sont cités fi le Sunna, que l'ulama, ils ont accepté. Mais des mots qui peuvent impliquer quelque chose de correct et de faux, on doit délaisser. قال الشيخ سعدي رحمه الله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت الأمور كلها وإن كانت بمشيئة الله وإرادته فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك قد أمر العبد أن يسألها من ربه طالبا ملحا جازما بإلحاح. أي tu te rabaisses. Et min asbab al-istijaba, tu lèves tes mains et tu choisis un moment bénéfique, opportun. Et bi kadhalik bi jazm wa azima qawiyya. Tout ça c'est min asbab al-ijaba. قال وهذا الطلب عين العبودية ومخها. لماذا؟ لأن ce genre de demande, l'insan il se rabaisse. Et il cite les noms d'Allah. Et il montre sa faiblesse. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. هذا كما قال الشيخ السعدي رحمه الله هذا الطلب عين العبودية ومخها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. أما الحديث الدعاء مخ العبادة تقدم معنا فيه ضعف. الصحيح الدعاء هو العبادة. قال ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه والله تعالى لا يتعظمه الشيء. Et ça c'est un autre point que Cheikh Saadi ici pour compléter, ça va pour nous, ça va compléter la faïda de Cheikh Ibn Uthaymeen. أن cette demande فيها خير محض pour toi. Donc tu n'as pas besoin de dire inshé. C'est que du bien. Demande le bien. Et une bonne intention, une bonne pensée. Husnudzan billahi azza wa jal. Et tu n'as pas besoin de dire inshallah ou inshé quand tu fais le dua. Bardahoum, ils le disent. Ils disent je demande à Allah subhanahu wa ta'ala kada kada inshallah. La yambari de dire inshallah. Là, tu dois demander bidjid, être sûr, et tu n'as pas besoin de dire inshallah fi hadha al-bab. Wa lil asaf, et ça fait la haqiqa, c'est la cause de l'ignorance. Inshallah, quand tu cites une chose que tu vas faire demain, fi al-mustaqbal, tu comptes aller dans tel endroit, tu comptes faire telle chose, tu dois dire inshallah. لماذا لان الامور بمشيئه الله وبقدره الله سبحانه وتعالى انت tu sais pas est-ce que tu vas réussir à faire telle chose. ففي هذا الحال c'est important de citer cette information, cette chose que tu veux faire, c'est important de la lier à مشيئه الله سبحانه وتعالى. À cause de l'ignorance, tu trouves بعض الناس quand ils font le dua, ils disent inshallah, et quand ils parlent احيانا je vais faire telle chose demain, je vais voyager, je vais acheter telle chose, لا يقولون inshallah. Ça nous montre ان الالفاظ هذه الالفاظ المشروعه, tu as le droit de les citer dans certaines tournures de phrases à certains moments, et dans certaines tu n'as pas le droit. قال الشيخ سعدي رحمه الله وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين السؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعباد فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين. أساس فائدة أن الشيخ سعد رحمه الله إلى السيت العباس أن في الدعاء on doit pas dire يا رب دير موا تيل شوز ان شئت. اي لا مونتري بوركوا. وتقدم معنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهنا الى سيتي دي زيكسبسيون ان احيانا تو بو لو دير اي سيتي الدليل. قال فالعبد يسال ربه ويعلقه على اختيار ربه له اصلح الامرين. سي بور سا كو سون كلام بريسيدون اي تي امبورتون كونت سي اون شوز فيها خير محض اي سي كو دو بيان بور توا يا اوكان دوت. Enfin, tu n'as pas besoin de dire « inshit ». Maintenant, tu demandes à Allah le Jannah. Tu demandes à Allah al-Maghfira, qui te pardonne. Tu demandes à Allah la guider. Tu demandes à Allah l'ilm. Tu n'as pas besoin de dire « inshit ». C'est que du bien pour toi et Allah, il est capable de tout. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a encouragé, كثيراً في القرآن, de lui demander. Donc, demande. أحياناً, tu peux demander une chose et tu ne sais pas si c'est un khair pour toi. ففي هذا الحال si c'est un khayr fa tu demandes Allah subhanahu wa ta'ala qui te la facilite, si c'est pas un khayr fala. وتأملوا المثال قال كالدعاء المأثور اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. ففي هذا الحال vous avez remarqué que le dua il est معلق بالشيء أي si c'est un bien fa fais-moi vivre. Si c'est un mal pour moi et cette dunya, fais-moi mourir, ya Rab. هذا الدعاء il est صحيح في الصحيحين كما في الحاشية. قال وكدعاء الاستخارة في صحيح البخاري et الحديث il est معروف. أي أن cette chose tu sais pas est-ce que c'est un bien pour toi. مثلا te marier avec telle femme ou t'associer avec un tel pour tel commerce. Ou voyager dans tel pays. Ma tadri, est-ce que c'est un bien pour toi, Umla? Dua ou al-istikhara, via al-hal, c'est mashrou. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est un bien pour toi, faqit le facilite. Et si c'est un mal, faqit en écarte. Hada. قال ففهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الامور النافع المعلوم نفعها وعدم ضررها وان الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها. Il faut bien différencier. Quand c'est du bien à 100%, ça demande. Tu n'as pas besoin de dire si c'est un bien ou inshallah ou inshi. Tu n'as pas besoin de dire ça. قال وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. أما si c'est une chose ما تدري. tu veux investir dans telle chose et tu sais pas, ça peut être un bien, ça peut être un mal pour toi. Limada لأن celui qui connaît l'invisible c'est Allah subhanahu wa ta'ala. أما أنت ما تدري فتو دوموند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله c'est العليم, c'est القدير, c'est الرحيم. فتو دوموند الله سبحانه وتعالى si c'est un bien qui te facilite cette chose, si c'est un mal فكي t'en écarte. هذا كلام الشيخ سعدي il est مفيد avec cette précision pour bien comprendre les adillah qu'il a cité et qu'il n'y a aucune contradiction. قال رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي. Toujours dans ces chapitres, في بعض الألفاظ المنهية. Le fait de dire عبدي وأمتي. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضي ربك. نعم. Dans notre nusra, il y a pas de شدة. Et dans les autres moutons, ithbatuha. قال وليقل سيدي ومولاي ولا يقل عبدي وأمتي وليقل فتاياي وفتاتي وغلامي. الحديث إليه في الصحيحين. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن التلفظ بهذه الألفاظ المذكورة يوهم أو يوهم المشاركة في الربوبية. لماذا؟ لأن الرب سي الله سبحانه وتعالى يعني العباد سي عباده. فالفت دو دير عبدي سا واحد يبو مال كومبخون لكن سيأتي معنا أنه هي تفصيل. قال فنهي عنه تأدبا مع الربوبية وحماية للتوحيد بسد الذرائع المفضية إلى الشرك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سي حكم هذا الباب. قال والحكم في ذلك ينقسم الى قسمين. يا دوكا اي اسكو سي بيرمي دو دير عبدي وامتي. العبد سي بور لوم, الاما سي بور لا فام. عبد الله امه الله. قال الاول ان يضيفه الى غيره مثل ان يقول فلان عبد فلان او امه فلان فهذا جائز. اما سي سي بور انفورمي ان ان تل سي لو عبد ان تل أو فلانا سلا أما دو فلان هذا يأكمل. فاصل بخميك. قال الثاني أن يضيفه إلى نفسه كم دون الحديث أي عبدي وأمتي أي سيسون عبد لوي. فهذه قال هذا له صورة أن يكون بصيغة الخبر مثل أطعمت عبدي فلا بأس. أما سيس من باب الخبر أنه كما قال شيخ الفوزان أطعمت عبدي أو عبدي لتل أوريجين فهذا ما في شيء. قال وإن يكون بصيغة النداء فيقول السيد يا عبدي هات كذا فهذا منهي عنه. أما سيس من باب النداء أي أنا أبل يا عبدي يا أمتي فهذا الشيخ ابن عثيمين قال منهي عنه. إسكو سي حرام أم لا فهي خلاف بين أهل العلم. والشيخ سعدي رحمه الله يرجح أنه سيبا حرام لكن هو ميو إيفيتي. فالمهم هذا الباب وزاويكم فقيس في هذا اللفظ عبدي وأمتي. قال الشيخ سعدي رحمه الله وهذا على وجه الاستحباب أن يعدل العبد عن قول عبدي وأمتي إلى فتاي وفتاتي تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور. لماذا؟ لأن هؤلاء سدي عباد لله. فالسلوي كان توحيد قوي سون توحيد يبقى لنبشي دو دير سا خاصة في النداء يا عبدي لأن هذا العبد سعبد لله ميم سي سون عبد لوي سي سون اسكلاف لوي سي لوي كي لا اشوتي إلى آخره. من هذا الباب سي بور سا كو شيخ الإسلام إلى سيتي سو شابيتر هنا وإلا سي لو دي فالظاهر سي سي با حرام. قال تحفظا عن اللفظ الذي فيه إيهام ومحذور ولو على وجه بعيد وليس حراما وإنما الأدب كمال التحفظ بالألفاظ الطيبة. هذا سين فائدة عظيمة بقول أن بعض الألفاظ سبا حرام سبا حرام certain شوز مم دي أفعال في الحقيقة مم دي certain زاك certain parole certain mot سبا حرام لكن أحيانا خاصةً celui qui donne de l'importance au ilm, au tawhid, il fait attention de ne pas prononcer certains mots. Et on ne doit pas éviter que le haram, certaines choses, même si c'est mauvais, harubama, tu seras mal compris et ça te fera du mal. خاصةً si ce mot, il a plusieurs significations dans certains endroits. Maintenant, dans certains pays, tellement, ils peuvent le comprendre hakada. Et anta, tu sais que c'est pas haram le mot. Et tu sais que بعض الناس ils le comprennent convenablement. في هذا الحال لا نقول c'est pas haram, il y a pas de dalil, je dis ce mot. من رضي رضي, celui qui n'est pas satisfait, c'est pas notre problème. Là, l'insan il préserve son honneur. كما تقدم معنا كثيرا أن الإنسان ربما يتهم ربما il est accusé d'avoir dit telle chose et vouloir telle chose, ففي هذا الحال on s'écarte. الوضوح والصراحة c'est أنفع شيء. Être clair, parler avec des choses que tout le monde comprend. حدث الناس بما يفقهون كما تقدم معنا. أما des phrases ou des mots qui peuvent impliquer le haq ou le batil, ou بعض الناس ils peuvent comprendre min hada telle chose, ou dans tel pays cette kalima, peut-être eux ils l'emploient pour autre chose que toi dans ton pays. L'insan il emploie les mots clairs. Hatta tu ne perds pas ton temps dans des futilités. Tu as dit telle chose, tu as voulu dire telle chose, et un tas, tu vas te justifier, et Obama, tu es accusé, l'imad. Préserver son dîn et son honneur, c'est muhim. Qala, fa'inna l'adab fil alfad dalilun ala kamal l'ikhlas. Hadith, c'est une faïd azim. Anna l'adab fil alfad, celui qui pèse ses mots, qui fait attention, qui a un adab, qui ne parle pas n'importe comment, mais il s'efforce à parler avec des mots qui ne contredisent pas le Coran ou le Sunnah. Si c'est fait d'inillah, il parle avec kalimat mashru'a et il s'écarte des choubahs. Si c'est fait d'unia, il parle avec kalam mubah et il s'écarte des doutes, des ambiguïtés. Ah, ça montre annahu il a un tawhid, un ikhlas qawi fi qalbi. كمال الإخلاص قال خصوصا هذه الألفاظ التي هي أمس بهذا المقام surtout ces ألفاظ عبدي وأمتي إلى آخره هذا كذلك ce mot il est employé في عبدي وأمتي c'est عباد الله سبحانه وتعالى فعلى كل حال on a compris pourquoi المؤلف رحمه الله il a cité هذا الباب هنا ثم قال رحمه الله باب لا يرد من سأل بالله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا et dans une riwaya تروا نعم حتى تروا أي حتى تعلموا حتى تروا أي حتى تظنوا مهم ساسوغ السم أما هنا نحن هنا تروا قال حتى تروا أنكم قد كافأتموه قال رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح الحديث نعم صححه الإمام الألباني رحمه الله في الصحيحة وفي صحيح الجامع كما في الحاشية وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله صححه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين دونك الحديث للصحيح هذا الباب فيه لا يرد من سأل بالله أي tu ne dois pas rejeter si quelqu'un te demande par Allah مثلا يقول je te demande par Allah أسألك بالله tu me donnes telle chose في هذا الحال La yurab, on ne doit pas le repousser, on ne pas lui donner. Bien sûr, avec un tafsir. Wa sayati, inshaAllah. Awalan al-munasaba, qala al-allama al-shaykh al-fawzan, hafidahullah fil mulakhas, li'anna fihi adam i'ta'i man sa'ala billah, adam i'azam lillah. Limadha li'annahu il t'a demandé par quelque chose de azim, fa le fait de refuser, fa c'est un manque de respect. Mais il t'a demandé par quelque chose d'azim, tu dois répondre. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيدوه. لماذا؟ لأنه لا demandé par quelque chose de عظيم. قال وعدم إجلال له وذلك يخل بالتوحيد. C'est pour ça que celui qui a un tawhid قوي, si on lui demande par Allah, vu que la demande elle a été faite par ce abd, par le nom d'Allah, أسألك بالله, فالسلوي كي أن توحيد قوي, vu que cette demande elle a été faite par Allah, أي بسم الله عز وجل, هو il va répondre. تعظيما لله وإجلالا للرب سبحانه وتعالى. أما أولا تنبيه أن ce hadith, ça veut pas dire que l'insan il a le droit de demander aux autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que l'insan, on ouvre les portes, on cite ce hadith, et Al-Ba'd, il demande des choses, de l'argent, il a akhri, Billahi Azza wa Jal, et il cite ce hadith. Là, on fait attention à l'hawa. L'imam Ali, on a des autres hadiths qui démontrent que demander aux autres, c'est haram. Illa fi dharura, sauf dans certains cas. C'est permis, on a expliqué cette mas'ala ensemble dans la kalima qu'on a fait récemment, les méfaits de la mendicité. On avait détaillé ça en se basant sur la risala de Cheikh Muqbil alayhi rahmatullah. قال شيخ ابن عثيمين السؤال من حيث هو مكروه ولا ينبغي أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. Donc là-bas, c'est que c'est makruh. Et cette karaha, بعض العلماء يقولون, c'est للتحريم. Et là, c'est que c'est للتحريم. لماذا؟ لأن الأدلة, il démontre هذا. Et la cité parmi les أدلة, شيخ ابن عثيمين, قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه لا يسأل الناس شيئا. حديث تقدم معنا إلى صحيح. قال وقال صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. الحديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه. فلا شك أن هذا سمطر أن cette situation يوم القيامة أنه sur son visage il n'y aura plus de chair. Ça montre أنه il a fait quelque chose de haram. C'est quoi cette chose؟ لا يزال يسأل الناس. أي هذا il avait l'habitude de demander aux autres alors qu'il pouvait se passer de cette demande. فلا شك أن celui qui fait ça régulièrement il tombe في الحرام. فهذا سنتنبيه أولا أن ne pas comprendre ce hadith, أن c'est permis de demander aux autres. لا. ثانيا أما cette مسألة فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد لا يخلو السائل من أحد أمرين. Tu as deux cas. إما يسأل سؤالا مجردا كأن يقول يا فلان أعطيني كذا فإن كان مما أباحه الشرع له فإنك تعطي. On ne parle plus de le fait de demander. Le fait de demander تقدم معنا. Le prophète sallam, il nous a interdit hada, demander sans raison. Khassatan, celui qui le fait souvent. Huna, la mas'ala, c'est le fait de répondre. On ne parle plus de celui qui demande. Là, anta, on te demande, est-ce que tu donnes amla? Faqala Cheikh ibn Uthaymeen, s'il te demande sans dire, je te demande billah azza wa jal telle chose, hada, si c'est quelque chose de mubah, tu peux lui donner. Et si tu vois qu'il demande souvent, il se rabaisse et il s'humilie, tu le conseilles. Même si tu lui as donné, tu le conseilles. Innahu yattaqillah. Et innahu, il se fait du mal en tendant la main à kada. S'il est dans un besoin, min babi awla d'arura, fa hada tu l'aides, c'est ton frère. Wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Qala, deuxième cas, et c'est notre babi, an yassal billah. Il te dit, je te demande par Allah, billah azza wa jal, de m'aider, de me donner telle chose. قال فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا. Tu lui donnes même s'il mérite pas. لماذا؟ قال لأنه سأل بعظيم فإجابته من تعظيم هذا العظيم. لكن لو سأل إثما. S'il a demandé quelque chose de mubah, et bien sûr tu as la capacité. Et bien sûr ça ne te fait pas de mal. أما واحد qui n'a rien, ou tu as peu, et si tu lui donnes, tu vas laisser femme et enfant dans le manque, ou toi-même. Là, même s'il demande par Allah, tu ne lui donnes pas, tu n'as pas la qudra. Mais si tu as la qudra, Maintenant, il te demande une somme d'argent, alhamdulillah, tu as un tas, ça te fait aucun mal. Si c'est quelque chose de mubah, maintenant de l'argent, il est akhiri, tu sais qu'il ne va pas faire de haram avec, tu lui donnes l'imada ta'ziman lillahi azza wa jalla. L'imada, l'annahu, il a demandé billah. قال لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. أما si il demande quelque chose de haram, مثلا il te demande de lui acheter des cigarettes ou de l'emmener dans tel endroit haram, فهذا لا, هذا tu le conseilles et tu lui montres que ce qu'il demande c'est grave, et en plus il demande billah, هذا لا يجوز. Et si ça te fait du mal, tu n'as pas assez pour toi et l'akhiré, فهذا لا شك, tu as droit de ne pas lui donner. Et Cheikh Abdurrahman ibn Hassan fi al-Qawl al-Mufid rahmatullah alayhi, il a cité كذلك ces points. إذا سأل المحتاج من في ماله فضل فيجب أن يعطي. هكذا قال Cheikh Abdurrahman rahmatullah alayhi. فضل في المال, c'est si tu as de l'argent en plus. Maintenant tu as de quoi vivre, alhamdulillah, il te demande une somme, elle te fera aucun mal. في هذا الحال يجب de lui donner. قال وأما إذا سأل من لا فضل عنده, أما si il demande et c'est au-dessus de tes capacités, هذا ça dépend. Si un ضرر عليك, ففي هذا الحال t'as le droit de ne pas lui donner. Si il demande et il est في ضرورة, مثلا il demande, il n'a pas où dormir et il fait très très froid et il n'a pas mangé et il a très très faim, ouais, il est في ضرورة شديدة, هذا même s'il ne demande pas Bismillah Azza wa Jal, on doit lui donner. Ça, si il demande billah, ça, c'est encore plus. C'est wajib, on n'a pas le droit de le laisser. Wallah al-musta'an. Baqi abab, ou naqra kalam Cheikh Saadi. Ou Cheikh Saadi, il a expliqué les deux babs. Fa naqra al-bab, alladhi ba'dah, il est très court. Qal babu la yus'al biwajhillah illa al-jannah. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. قال في الحاشية وضعفه الإمام الألباني في ضعيف الجامع, وكذلك ضعفه العلامة سليمان آل الشيخ رحمه الله في تيسير العزيز الحميد. فالحديث هذا إلى ضعيف. أي ce حديث ce باب précise le باب précédent. أي celui qui demande par Allah, il demande, il a le droit de demander que le Jannah. Rien d'autre. هذا c'est ضعيف. قال الشيخ بن باز رحمه الله وهذا من كمال التوحيد والإيمان أن لا يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقارب إليها كالعمل الصالح والاستقامة والعافية من مضلات الفتن. ولا شك même si le hadith est ضعيف, on n'a pas le droit de demander بالله عز وجل quelque chose de حقير, quelque chose de taf, quelque chose qui n'a aucune importance. Limada, ce n'est pas min ta'zim illah azza wa jal. C'est pour ça que l'ulama yaqulun, celui qui demande billah, il demande quelque chose de azim. Obadhuhum, il cite ce hadith, lakin, il est daif. A la kulli hal, si on demande billah azza wa jal, on demande quelque chose de azim. Famatalan, tu demandes Allahumma inni as'aluka bi wajhika al-karim ila akhiri, tu demandes quelque chose de azim. Al-jannah, al-istiqama, العلم النافع العمل الصالح الهداية الثبات. Tu demandes ça. أما واحد يدمد اللهم إني أسألك بوجه الكريم ثم يسأل quelque chose de tafé qui n'a aucune valeur, فهذا لا ينبغي. هذا ça montre qu'il a un problème في توحيده. أما celui qui a un توحيد قوي, لا شك أنه si il demande بوجه الله الكريم, il demandera quelque chose de عظيم. C'est pour ça que Cheikh الإسلام il a cité هذا الباب هنا. قال الشيخ الفوزان مناسبة الباب لكتاب توحيد أنه يجب احترام أسماء الله عز وجل, فلا يسأل شيء من المطالب الدنيوية بوجهه الكريم, بل يسأل به أهم المطالب وأعظم المقاصد وهو الجنة. نعم. كذلك دوت خشوز كما قال الشيخ بن باز. لماذا؟ لأن الحديث فيه ضعف. قال الشيخ سعدي رحمه الله, أي l'explication des deux derniers chapitres. La yuraddu man sa'ala billah wa la yus'al biwajhi illah illa al-jannah. كذلك le hadith précédent fihi anna al-insan il oublie pas al-khayr. Lianna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uh. Celui qui t'aide dans une chose khassatan fi umur ad-din, فالإنسان يدوى با أوبجي الخير فكافئوه. Tu dois essayer de le remercier en échange. Si tu n'arrives pas à lui donner quelque chose, ça veut pas dire que même si tu lui donnes quelque chose, le premier cas, si wahad ila matalan illa lui donne, tu fais pas de dua. Là, tu lui donnes et tu fais dua. Lakin si tu n'as pas de quoi lui donner, fais n'oublie pas ad-dua, fad'u la hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Tu fais dua hatta tu sens que alhamdulillah tu as été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, thumma envers hadha al-'abd. Hadha c'est muhim, ne pas oublier le khayr. Inkar al-ma'ruf c'est min sifat الضعفاء c'est min sifat al-kafirin. أما المؤمن الصالح يتوسكح تدو هذا ولا يتشبه بالمجرمين فالسولي كيف خير ونبلي با لماذا لأنه il a donné du temps, il a fait telle chose pour toi, فتبلي با الخير ولو ذكره بالجميل كذلك faire دعاء pour lui هذا c'est مهم. Et ça ne doit pas nous pousser, nahnu, si on fait du khayr, à faire le khayr pour avoir cette chose en échange. Là, il y en a celui qui fait du khayr, son qaz, ça doit être ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Khassatan fil ilm, khassatan tout ce qui est lié au din. Lakin, celui qui s'est fait aider, fala yansa al khayr. Hada, c'est l'explication de cette partie du hadith. Qala al-Sheikh Sa'di al-bab al-awwal, khitabun lil-mas'oul. Le premier bab, c'est Al-Mas'oul, celui à qui on va demander. Et il ne doit pas repousser celui qui lui demande par Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنَّهُ إِذَا أَدْلَ عَلَى الْإِنسَانِ أَحَدٌ بِحَاجَةٍ وَتَوَسُّلٍ إِلَيْهِ بِأَعْظَمِ الْوَسَائِلِ وَهُوَ السُّؤَالُ بِاللَّهِ أَنْ يُجِيبَهُ احْتِرَامًا وَتَعْظِيمًا لِحَقِّ اللَّهِ وَأَدَاءً لِحَقِّ أَخِيهِ حَيْثُ أَدْلَ بِهَذَا السَّبَبِ الْأَعْظَمِ. وهذا تقدم معنا التفصيل. Donc, min bab ihtiram hadha al-ism al-azim, il demande par Allah subhanahu wa ta'ala, on répond, limadha li'anna, on respecte le nom, on respecte et on aime Allah subhanahu wa ta'ala, par qui il a demandé. Le deuxième bab, c'est al-sa'il, celui qui demande, et il doit demander que al-jannah. Wa taqaddam anna al-hadith il est da'if. Qalu anna alayhi an yahtarim asma Allah wa sifatihi. وأن لا يسأل شيئا من المطالب الدنيوية بوجه الله بل لا يسأل بوجه الله إلا أهم المطالب وأعظم المقاصد. إيه في الحقيقة هذا كسسوا بوجه الله أو ممسفا دعاء بغير ذلك الإنسان يسفق سادموندي الأنفع. أما الدنيا زائلة. Ça ne veut pas dire qu'on a pas loin. On a le droit de demander des choses de الدنيا. لكن la priorité في الدعاء ça doit être un nafi', ce qui va rester. La priorité fi du'a, c'est ce que tu vas profiter en ta fi' akhiratik. Et en fait, si tu demandes des choses fi dinik, par exemple l'ilm ou l'istiqama, la guidée, la science, la akhirah, ça va te profiter gadalik fi dunyak. Amma demander que dunya, demander que l'argent, fa rubbama hadha ash-shay', si tu l'as, Robama, ça te fait plus de mal que de bien. Enfin, on n'oublie pas les priorités. Et celui qui demande à Dunya, tant que c'est moubah, tant que c'est pas quelque chose de haram, enfin, c'est permis. Lakin hada c'est un tambih min ash-shaykh pour démontrer anna. Tu peux demander plusieurs choses. Enfin, n'oublie pas l'important. L'essentiel, la priorité. Al-Jannah. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-firdaus al-a'la. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'écarte des fitaines. Comme minan nas. Ils ont de l'argent. Ils ont des voitures, ils ont des maisons. Et, iyadam billah, ils sont très loin du din. Et comme minan nas, ils ont rien. Ou ils ont peu. Et ils font partie de awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuhibbuhum. Ça montre que l'essentiel, c'est pas le mal. Donc, notre priorité, ça doit pas être la demande de l'argent. Et de dunya faqat la. Hada, si on demande, c'est, on a le droit, laquelle la priorité, c'est ridha Allah subhanahu wa ta'ala. On demande mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala. On demande qu'Allah il nous aime, qu'il soit satisfait de nous. Et si Allah il t'aime, il est satisfait de toi, ben, il t'ouvrira les portes de tout. De tout ce que tu as besoin et de tout ce qui est mauvais. Et anfa shay, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il t'ouvre les portes de l'Jannah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala هذا. قال رحمه الله وهي الجنة بما فيها من النعيم المقيم ورضا الرب والنظر إلى وجهه الكريم. Cette demande, on ne doit pas l'oublier. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ceux qui le verront يوم القيامة et في الجنة. C'est أعظم الجزاء كما جاء في الحديث. La plus grande récompense de أهل الجنة c'est qu'ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. On doit demander هذا. قال والتلذذ بخطابه كذلك أن الله يبارلغا à ses serviteurs عز وجل قال فهذا المطلب الأسنى هو الذي يسأل بوجه الله وأما المطالب الدنيوية والأمور الدنيئة وإن كان العبد لا يسألها إلا من ربه فإنه لا يسأل بوجهه نعم أما si bien sûr أحيانا on a besoin de certaines choses de dunya, si on les demande, là, chaque on les demande pas, biwajhillah, si c'est quelque chose de futile, de pas important, tu as besoin. Tu as besoin. Vu que tu as besoin, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma taqaddam ma'ana, on a demandé à un abd comme toi, peut-être qu'un jour il te donnera, peut-être qu'un jour il refusera. Ou il te rabaisse, ou il t'humilie. Liyada la mu'mini s'habitude d'aïman à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. في الصغير والكبير لكن sa priorité c'est demander النافع كما تقدم هذه أبواب سهلة في الألفاظ et le prochain درس inshallah on continuera la lecture de هذا الكتاب النافع et on passe à notre deuxième درس inshallah